Vous écoutez l'émission de Patrick Tréau, Comment créer le paradis sur Terre. Patrick Tréau, c'est maintenant sur Radio Impact. Bonjour tout le monde, bienvenue à Comment créer le paradis sur Terre et Patrick Tétrault avec vous pour la prochaine heure. Donc cette semaine, on va explorer plus en détail le concept d'unité, donc un concept essentiel, fondamental pour le projet et pour l'humanité aussi. Donc je ne sais pas si vous avez, sûrement que vous avez pris connaissance de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Donc, on est le 5 avril 2020. Et on peut voir que quand on parle d'unité, c'est pas vraiment ça qu'on voit se passer, surtout dans la dynamique sociale. Donc, il y a différentes idéologies, si on peut dire, au niveau des citoyens, qu'on peut remarquer plus particulièrement, évidemment, sur les médias sociaux. Et donc, c'est entendu qu'il y a la grosse la division évidente entre ceux qui sont ouverts aux conspirations et ceux qui ne le sont pas. Et évidemment, il y a des sous-groupes, des sous-catégories. Et donc, mais c'est pas, en réalité, c'est pas vraiment ça le problème. Chacun peut prendre ses idées, ses positions. Et l'idée, c'est pas que tout le monde pense pareil. Le problème, c'est si on en reste là, si on veut que justement que les autres se joignent à nous ou qu'on les rejette. Et c'est ce qu'on peut voir aussi un peu dans les médias, dans la catégorie officielle. Et c'est sûr qu'ils considèrent tout ce qui ne rentre pas dans leur cadre comme étant non scientifique. Donc, on peut voir ça sur la censure sur Facebook, etc. Je ne sais pas que c'est nécessairement faux non plus, mais on voit en tout cas qu'il n'y a pas d'unité et que chacun veut vendre et convaincre de son point de vue. Et donc aujourd'hui, on va voir plus en l'unité, qu'est-ce qu'on entend par là, c'est quoi, et à quoi ça pourrait ressembler concrètement. Et on va voir un projet particulier, un projet collectif qu'on pourrait faire, que j'appelle un outil collectif. Donc c'est un outil collectif que j'appelle de décision. Ensuite, on va parler de son incontournabilité. Donc, dans le fond, si l'humanité veut aller plus loin, il faut nécessairement passer par l'unité. Et on va voir aussi comment ça va être très difficile. Donc, c'est notre priorité, mais c'est aussi un très gros défi. Et on va voir, si on a le temps, les voies de contournement. On en a déjà parlé. On va revenir un peu là-dessus. C'est important parce que c'est des fausses pistes, on peut dire, qui peuvent nous éloigner du travail à faire concernant l'unité, nous faire croire que ça va nous unir et que ça va résoudre le problème. Mais en réalité, l'unité, il faut vraiment l'aborder de face et y travailler sérieusement, concrètement. Donc, c'est ce que j'appelle des voies de contournement. Et donc, on va commencer tout de suite avec une petite pause, un peu de musique pour détendre. Et on revient, on va commencer après, après cette chanson. On est de retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc aujourd'hui, on parle de plus précisément de l'unité. Donc c'est quoi au juste, qu'est-ce qu'on entend par unité? Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui doit s'unir. Dans ce cas-ci, en le cas qui nous intéresse, ce sont les gens, les individus et aussi les différents, donc leurs différentes positions. Autrement dit, la multiplicité et la diversité. La multiplicité, c'est que parce qu'il y a plusieurs individus. Et la diversité, parce qu'il y a une variété possible de points de vue, des croyances, des besoins, des désirs, etc. Donc, on a établi que notre philosophie fondamentale, c'était que a priori, on ne rejette rien. Autrement dit, on accepte tous et tout. Nous ne rejetons rien ni personne, mais on se réserve quand même le droit de le cochéant de rejeter. On se réserve ce droit-là. Donc, on a dit que cette philosophie-là était supérieure à celle qui consiste à tout accepter d'emblée. Et pour le comprendre, on avait donné l'image là, de la pomme pourrie dans un seau avec d'autres pommes. Et donc, aussi, il est clair que de ne pas rejeter, ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord. Donc, le but, en fait, c'est pas d'être tous d'accord, c'est d'être tous unis. Donc, c'est certain qu'on peut être unis sans nécessairement être tous d'accord. Donc, il faut que ça soit clair, ça. Et donc, être tous unis, c'est être tous ensemble avec tout ce qui nous caractérise. Donc, il ne s'agit pas de laisser une partie de soi-même à la maison. En effet, à quoi bon vouloir créer l'unité si on laisse tout ce qui nous divise à la maison et si nous, on n'accepte pas que certaines personnes, pour des raisons autres que celles qu'on a formellement rejetées. Donc, parmi les raisons, évidemment, qui mériteraient le rejet, on peut évidemment mettre le meurtre, par exemple, et tous les autres actes de cet ordre, et qui sont, jusqu'à un certain point, en tout cas, la plupart des endroits dans le monde, c'est déjà le cas. Mais, par contre, ne rentrerait pas dans cette catégorie-là, par exemple, l'orientation sexuelle, ou encore la croyance que l'orientation sexuelle, une autre orientation sexuelle, c'est pas correct. Donc, les deux doivent pouvoir en arriver à se côtoyer. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'unité et donc et pas d'homogénéité. Donc, ça, par exemple, aujourd'hui, en tout cas dans notre société, c'est plus ceux qui sont pas d'accord avec l'homosexualité qui sont rejetés. Donc, c'est important de respecter tous les points de vue. Et c'est important de comprendre que l'unité, ça va passer par les éléments qui doivent s'unir, c'est-à-dire les individus et les différentes positions qui sont portées par ces individus-là. Autrement dit, c'est les gens qui doivent comprendre, qui doivent vouloir et qui doivent créer l'unité. C'est aussi les différents groupes qui portent les différentes positions, que ce soit culturelles, politiques, religieuses, etc. Donc, c'est ces différents éléments-là qui doivent s'unir. C'est là que l'unité doit être créée. Donc, concrètement, à quoi ça pourrait ressembler? Eh bien, on peut commencer par voir qu'un groupe qui est unique. Donc, ça prend juste un groupe pour une collectivité donnée. Par exemple, une municipalité, mais il y aurait seulement un groupe. Et que tous puissent s'y joindre. Donc, c'est une plateforme, si on veut, où se retrouve tout le monde. Et ce qui caractérise et différencie ce groupe des autres groupes, c'est son but et son intention et aussi sa philosophie. Donc, le but, évidemment, c'est l'unité. Et le but, l'intention, c'est le pouvoir, donc qui va être créé par l'autorité de cette collectivité-là. Donc, c'est ça la raison pour laquelle nous voulons créer l'unité, c'est pour le pouvoir. C'est-à-dire la capacité de prendre nos décisions collectivement. Et la philosophie, évidemment, c'est d'accepter tout le monde. Donc, l'idée, c'est en créant un groupe, évidemment, ça va être de travailler à développer une méthodologie pour être capable d'être tout ensemble, de s'entendre et d'en arriver à prendre une décision collective. Donc, c'est ça le travail qui est à faire. Et le déroulement logique que je vois, c'est qu'au début, supposons qu'on crée un tel groupe, ceux qui vont participer, ça va être ceux qui vont être intéressés par l'idée du projet d'unité. Donc, en réalité, c'est un catch-22 parce que ça va être un groupe homogène. Donc, ce ne sera pas vraiment la vraie unité. Mais la différence, ça va se faire voir lorsque beaucoup d'autres gens dans la collectivité, la société, la ville, etc., vont vouloir s'y joindre et qui vont être accueillis par le groupe en question parce que, évidemment, le but du groupe, c'est d'intégrer tout le monde. Donc, c'est ça l'idée. Et pourquoi il y aurait plus de citoyens qui, éventuellement, voudraient se joindre à ce groupe-là? Eh bien, parce que le but du groupe, c'est le pouvoir, donc c'est d'exercer l'autorité, et donc de décider. Et en étant unis, on va créer une force qui va permettre de prendre des décisions. Et les autres citoyens, voyant cela, vont vouloir aussi participer et faire voir leur point de vue, surtout si les décisions qui vont réussir à être prises par ce groupe-là vont à l'encontre de leur position à eux. Donc, ils vont vouloir se joindre pour avoir leur mot à dire. Et comme le but du groupe, c'est d'intégrer tout le monde, mais il va falloir faire avec et réussir à maintenir l'unité et à développer. C'est comme ça qu'on va pouvoir développer la méthodologie, la technologie. Donc, nous n'allons pas refuser, car le but, c'est ça, c'est de prendre des décisions et de créer l'unité. Donc, on utilise l'unité pour prendre des décisions, mais il faut garder les priorités dans le bon ordre en faisant ce groupe-là. Donc, c'est une vision que j'ai pour l'instant de comment ça pourrait se dérouler. Mais l'unité, ça va être très difficile à faire et on va voir ça un petit peu plus en détail après la prochaine chanson. On va mettre un petit peu de plus techno. Et Patrick Tétrault de retour avec Comment créer le paradis sur Terre. Donc, l'unité sera très difficile à faire. Donc, il ne faut pas se bercer d'illusions par rapport à ça. Et pour savoir si on m'a bien compris lorsque je parle à quelqu'un d'unité, j'attends toujours que mon interlocuteur dise quelque chose du genre ça n'arrivera jamais, c'est trop beau pour être vrai, ce serait le paradis sur Terre, etc. Quelque chose dans ce genre-là, dans ces eaux-là. Donc, alors là, c'est là que je sais qu'on parle de la même chose. Et c'est de ça que je veux parler quand je dis unité. Car en effet, ça va être très difficile à faire. C'est notre priorité, mais aussi c'est aussi notre plus gros défi. Mais nous n'avons pas le choix. Rien ne peut remplacer ça, car sans l'unité, on ne pourra pas aller bien loin. Avec elle, par contre, tous nos problèmes collectifs, qui peut paraître grandiose, seront relativement faciles à résoudre. Mais pourquoi c'est difficile l'unité? Bien, premièrement, parce que ça concerne le pouvoir. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de fausses pistes, des voies de contournement, comme j'ai parlé tantôt. Et j'ai observé, donc c'est mes observations, évidemment, c'est mon point de vue. Il y a trois grosses voies de contournement qui ont été utilisées, qui sont encore utilisées, qui ont été utilisées dans l'histoire de l'humanité, qui nous ont temporairement démontré que l'unité, c'était une force. Par contre, c'est des unités temporaires, et donc il y a tous ensemble pour, donc c'est évidemment l'homogénéité, on peut appeler ça comme ça aussi. Donc c'est évidemment tous les groupes d'intérêt et d'activisme. Donc on se met ensemble parce qu'on est d'accord sur une certaine question, sur une position. Par contre, on n'est pas nécessairement d'accord sur les autres choses, donc on exclut tout le reste. Ça permet de travailler, mais évidemment, on veut que toute la balance, les autres qui sont dans la société se joignent à nous. Et donc, c'est ça la dynamique, sauf que ça ne fonctionne pas, évidemment, parce que tous ne sont pas d'accord sur toutes les questions. Donc, ça crée une certaine force qui permet de faire avancer les choses jusqu'à un certain point. Par contre, ce n'est pas vraiment l'unité. Qu'on veut rechercher entre tous, toute éventuellement entre dans toute l'humanité. Et l'autre voie de contournement que j'observe, c'est évidemment tous ensemble contre un ennemi. Que ce soit, par exemple, en ce moment, le coronavirus, on peut avoir l'impression qu'on est tous, ou en tout cas, certaines personnes sont contre un ennemi commun et que ça crée une certaine forme d'unité. Par contre, le problème, c'est que lorsque l'ennemi en question est vaincu, on revient à la case départ. Donc, c'est pas durable. Et la même chose, tous ensemble derrière, un leader, par exemple. Évidemment, il suffit que le leader décède ou soit tué ou remplacé ou tassé. Et donc, l'unité tombe. À ce moment-là, donc, ces unités-là sont valables, mais c'est pas celles qu'on recherche, parce que le but, c'est de transcender éventuellement complètement le rapport de force afin qu'on soit capable de prendre le contrôle des rênes du processus de création collective et évidemment d'accéder à notre autorité collective. Donc c'est ça le but. Et ces formes d'unité-là, j'appelle ça des voies de contournement parce qu'ils sont en tente, peuvent suppléer ou nous satisfaire temporairement, mais c'est pas l'unité qu'on veut, qui va requérir beaucoup plus de travail conscient et volontaire de la part de tous et de chacun. Donc ça, c'est les voies de contournement. L'autre question qui fait que c'est difficile, c'est évidemment le pouvoir. Et moi, je constate qu'on vit en ce moment une inversion des pôles du pouvoir. Donc le pouvoir passe de là où il a toujours été, c'est-à-dire de ceux qui remportent le rapport de force et de tous ceux qui travaillent dans le sens qui conviennent à ces derniers, c'est-à-dire les grosses poches, les méchants, ceux qui reçoivent du pouvoir dans notre société, les vedettes, les hauts gradés, ceux qu'on appelle en guillemets l'autorité, les scientifiques, etc. Donc le pouvoir passe de tous ces pôles-là vers l'individu, vers le citoyen. Car en fait, c'est là qu'il a toujours été. C'est là qu'est l'autorité, et c'est là qu'elle a toujours été. Sauf que pour accéder au pouvoir, l'individu doit s'unir avec les autres, sinon le pouvoir collectif va continuer à être approprié par les plus forts, c'est-à-dire, en fin de compte, les plus méchants. Donc, c'est entendu qu'il y a de la résistance, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, d'une part, de ceux qui ne veulent pas perdre leur pouvoir, et d'autre part, de ceux qui ne veulent pas la responsabilité qui vient avec, qui préfèrent continuer à jouer les victimes. Donc ça, c'est nous, les citoyens. Et comme nous avons vu, peu importe, car c'est quand même les individus, même si on n'est pas organisé pour exercer notre autorité, et c'est quand même nous, vous et moi, qui sommes responsables de l'état de la situation, car c'est nous qui choisissons comment nous nous organisons. Nous pouvons choisir de nous unir et d'entreprendre le travail pour y arriver. Et si nous ne le faisons pas, par contre, et que d'autres forces prennent les décisions à notre place, nous serons responsables des résultats. Car nous ne sommes pas juste responsables de nos choix actifs, mais aussi nos choix passifs. C'est-à-dire pas juste responsables de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on aurait pu faire et que nous n'avons pas fait. Et, comme on a dit, dans la mesure où nous aurions pu faire des choix différent qui aurait fait en sorte que ce qui se passe en ce moment ne serait pas là. Dans cette mesure-là, nous sommes responsables de ce qui se passe en ce moment. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Donc, c'est un principe quand même important d'omission, du fait qu'on est responsable. Si on est capable de créer l'unité, on a à la créer pour pouvoir éventuellement créer la civilisation qu'on veut. Donc, faisons l'unité. Il faut la créer, même si c'est difficile, voire presque impossible. Parce que pourtant, c'est pas compliqué. La procédure, c'est d'abord moi, donc une personne. Je dois comprendre c'est quoi l'unité, pourquoi c'est important, et chaque personne doit faire ça. Donc, chaque individu doit comprendre c'est quoi l'unité, pourquoi c'est important, et parce que c'est les individus qui vont la créer, qui doivent la vouloir. Ensuite, il faut mettre ça en projet concret, expérimenter des choses et voir qu'est-ce qui marche. Et ce sont les résultats qui vont parler et nous diriger vers le succès. Plus il va y avoir de groupes qui vont expérimenter dans le monde, que ces derniers vont se mettre en réseau pour échanger les expérimentations, plus on va y arriver vite. Donc, il nous faut créer une demande citoyenne. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui la veulent. Puis le projet collectif avec lequel je propose de commencer s'appelle un outil collectif de décision. On va le regarder plus en détail tantôt. Et donc, c'est un projet indépendant qu'on va pouvoir faire sans que ce soit officiel et attaché au système politique, parce que ça peut prendre plus de temps, évidemment, ça va peut-être en arriver là éventuellement. Puis pour ce qui est de la structure politique, comment l'unité va trouver sa place, c'est que au début et à la fin. Donc, c'est ma vision, vraiment une ébauche, là, une vision générale de qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Qu'est-ce que j'entends par le début et la fin? Mais c'est-à-dire la base et la destination. Donc, la base, ça va être la plateforme citoyenne unique sur laquelle tout le monde de la collectivité vont se retrouver. Donc, c'est une base unitaire composée des valeurs communes, des vérités acceptées de tous. Donc, on est tous d'accord, mais évidemment, pour qu'on soit tous d'accord, il faut que ce soit simple et de base. Donc, c'est une base simple sur laquelle tous s'entendent. Et d'autre part, la destination, c'est-à-dire l'objectif qui nous unit tous. Et l'objectif, évidemment, qui nous unit tous, c'est le paradis sur Terre, parce que par définition, c'est ce que nous voulons, c'est la civilisation que nous voulons tous, dénuée des choses qui sont inacceptables, communément reconnues comme étant inacceptables. Donc, par définition, on veut tous le paradis sur Terre. Et la base est simple. Donc, au début, la base et la destination, ça nous unit. C'est entre les deux que le travail est à faire, évidemment. Donc, cette plateforme-là va venir remplacer le système politique actuel d'élection, qui va être jeté aux oubliettes complètement. Les membres du gouvernement seront engagés sur la base de leurs compétences pour faire le travail qui leur sera mandaté, comme le sont les autres fonctionnaires actuellement. Donc c'est ça. Parce que l'espace démocratique, c'est pas dans les parlements. C'est pas là que les décisions doivent se prendre. Ce sont les parlements, les gouvernements, ce sont des fonctionnaires qui font le travail qu'on leur a demandé de faire. Et est-ce qu'ils ont à prendre des décisions? Évidemment. Tout comme le plombier prend des décisions dans l'exécution de son travail, mais c'est moi, par contre, qui a décidé de ce qu'il devait faire. C'est moi qui lui en ai donné le mandat. Je ne vais pas lui dire quel col il faut qu'il utilise. Ça, c'est sa job. C'est ses décisions qu'il a à prendre dans le cadre de son travail. Il en est de même avec les fonctionnaires. Bien sûr, ils vont prendre des décisions, mais c'est pas aux citoyens à tout décider. Je ne parle pas quand je parle d'autorité citoyenne, je ne parle pas de participation citoyenne qu'on entend souvent. Je parle d'autorité citoyenne. Donc, faut pas confondre les deux. Je suis pas contre les projets de ce genre du tout. De citoyens qui décident de ce qu'ils veulent faire, par exemple, avec un petit budget, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est pas que les citoyens vont faire le budget de la ville. Il y a des gens qui sont compétents, qui sont engagés pour faire ça. On les engage, et c'est pour ça que ça va continuer à être comme ça. L'idée, c'est qu'on n'aura pas besoin de voter pour eux. On va tout simplement les engager. Donc, ça va être comme ça, mais les décisions vont être prises sur la plateforme citoyenne. C'est là que va être le pouvoir, dans le fond, ça va être là. Donc, on va revenir après avec... On va parler de l'outil... l'outil collectif de décision. Donc, c'est un projet collectif là, qui nous permettrait de, ben, d'initier, expérimenter. Et donc, c'est une idée. Et je vous en parle tout de suite après ces deux petites chansons-là. Thank you. De retour à comment créer le paradis sur Terre. Donc, maintenant, on va parler du concept d'outils collectifs. Donc, avant de commencer à parler de cet outil en particulier que je vais décrire, auquel j'ai pensé, je vais peut-être dire quelques mots sur le concept d'outils collectifs. C'est un peu, parler de ça, c'est un peu comme parler, si on s'expliquerait à soi-même, c'est quoi les médias sociaux en 2005, disons, avant que ça arrive. On explique des composantes, par exemple, c'est sur le web. Évidemment, comme on n'a pas de référence à ce moment-là de qu'est-ce que c'est les médias sociaux, par exemple, partager quelque chose sur Facebook, etc., ça serait plus difficile à expliquer. C'est un peu la même idée avec l'outil collectif. Donc, quelque chose qu'on peut créer, on va éventuellement pouvoir créer avec des composantes qui existent déjà. Mais évidemment, ça va donner quelque chose de différent. Mais comme on n'a pas vraiment de référence, en tout cas, moi, je vois pas où est-ce qu'il y en aurait d'autres. Donc, ça peut être un peu difficile à s'imaginer. On peut penser que ça existe déjà ou ça ne pourra pas avoir de portée, mais ça va vraiment pouvoir nous amener ailleurs. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'exercer notre pouvoir et de créer collectivement. Il y en a une panoplie qu'on pourrait créer. Celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est, je l'ai comme dénommé, un outil collectif de décision. Donc, ça nous permettrait de prendre une décision collectivement en tant que citoyen. Évidemment, cet outil-là serait approprié si, pour une décision qui concerne, qui est vraiment une certaine unanimité, si on peut dire. Donc, je l'ai développé, j'y ai pensé dans le temps qu'à Sherbrooke, donc au niveau municipal, il y avait une décision qui était à être prise, qui concernait la mise en place des compteurs électromagnétiques, donc dit les compteurs intelligents. Donc, c'est une technologie Wi-Fi qui a été mise en place, donc qui est installée, qui permet de mesurer, c'est un compteur électrique, donc à distance. Et donc, il y avait un certain groupe de citoyens qui s'étaient impliqués, qui étaient contre. Et dans sur cette question-là, il n'y avait pas vraiment de citoyens qui étaient pour, qui exigeaient ou qui étaient favorables à ce que ça soit implanté. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on serait contre. Il y avait différentes positions, mais il n'y avait pas vraiment de personnes qui disaient qu'ils voulaient absolument l'avoir. Donc, on peut considérer qu'il y avait une certaine unanimité dans la population. Pourtant, néanmoins, la décision a été prise et nonobstant, je ne sais pas si je peux dire ça, mais en dépit des activités, de l'implication de ces citoyens-là qui ont fait des activités. Donc, c'est l'outil collectif que je veux décrire aujourd'hui, de décision aurait pu être utilisée et pour faire prendre la décision que les citoyens voulaient, dans le fond, mais qui n'a pas été prise. Donc, c'est un des problèmes avec les élections. Lorsqu'on élit des gens qui pour exercer les fonctions de fonctionnaires, ils prennent des décisions qui sont contre notre volonté, mais c'est pas pour ça qu'on les a mis là. Donc, en réalité, il n'aurait pas dû prendre la décision, mais il y a seulement un conseiller qui avait voté contre. Donc, ça l'avait passé. Et personnellement, je trouve ça extrêmement frustrant et c'est une des raisons pour lesquelles il faut changer de système. Donc, pour ce qui est de l'outil collectif de décision, donc il y a plusieurs parties. La première, c'est avant d'entrer dans l'outil. Donc, c'est un espace qui serait sur le web de délibération, d'information. Il y aurait des forums. Et c'est là qu'on présente la problématique. Donc, il peut y avoir toutes sortes d'informations, les gens peuvent discuter. Et c'est là que va être aussi formulée la question à partir de cette problématique-là. Et donc, par exemple, en ce qui concerne, si on prend l'exemple des compteurs électromagnétiques, la question aurait pu être, est-ce que vous voulez que la décision de la ville par rapport aux compteurs soit renversée? Donc, il faut que ce soit une question qui peut être répondue par oui ou non et qui soit formulée de façon à ce que lorsqu'on répond oui, à ce moment-là, c'est la porte d'entrée, on rentre dans l'outil. Donc, c'est la porte, c'est la question, qui est dans le fond une décision individuelle du citoyen. Et le citoyen qui prend sa décision et accepte, dit oui en s'inscrivant avec son courriel. Donc, c'est de sorte que si vous dites oui, vous entrez dans l'outil. Donc, les citoyens répondent en signant avec leur courriel. Déjà, avec cette question et tous ceux qui entrent dans l'outil, nous avons déjà une collecte de données qui fait office d'un sondage. Donc, on peut dire qu'il y a eu X personnes dans la population qui sont pour, dans ce cas-ci, qui sont contre qu'on installe les compteurs électromagnétiques, par exemple. Donc, on peut entrer cela dans nos statistiques, etc. Donc, c'est une donnée importante. Ensuite, dans l'outil, donc une fois qu'on est à l'intérieur de l'outil, tous ceux qui s'y trouvent ont décidé et ont dit oui. Donc, en fait, cet espace-là, c'est un espace hors débat. Donc, il n'y a aucune discussion à l'intérieur de l'outil parce que tous ceux qui sont là ont déjà dit oui, donc ils ont accepté. Donc, il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de discussion. Et tous ceux qui se trouvent sont d'accord sur la question. Et évidemment, ils sont libres d'en sortir si jamais ils changent d'idée. Il n'y a personne qui est obligé de rester là. Et tous peuvent aussi aller débattre s'il y en a qui veulent aller dans l'espace, dans le préambule, si on peut appeler ça comme ça, réservé à cette fin, en dehors de l'outil. Donc, on n'est pas enfermé dans l'outil, c'est juste une partie de nous qui est dans l'outil. Et aussi, une autre composante importante à l'intérieur de l'outil, c'est la centrale. Donc, c'est là que vont travailler ceux qui désirent s'impliquer davantage dans le projet, parce que la majorité des gens n'ont pas le temps. Donc, ils n'ont pas besoin de consacrer beaucoup de temps et d'énergie. C'est d'ailleurs un élément important et un gage du succès de ce projet-là. L'énergie et le temps demandé aux gens est minimal. Parce que c'est un des problématiques que j'ai observé durant cette péripétie-là des compteurs électromagnétiques. J'en parlais à des gens qui étaient certainement, qui avaient la même valeur que moi, qui auraient été contre le projet, mais ils n'étaient pas intéressés à participer aux activités ou à prendre l'information. Parce qu'on sait bien que si on commence à s'impliquer, bien là, ça va demander du temps et on a un certain capital de temps et d'énergie à consacrer aux choses. Donc, on ne peut pas s'intéresser à tous. Donc, c'est pour ça que beaucoup n'ont pas participé parce qu'ils voulaient pas. Ils savaient que ça demanderait probablement plus de temps qu'ils pouvaient en donner. Donc, c'est très important pour aller chercher beaucoup de gens. Il faut comprendre que la majorité n'auront pas presque rien à faire. Donc, c'est important qu'ils puissent participer s'ils veulent. Donc, il s'agit, dans un premier temps, de prendre connaissance de la problématique, de dire oui à la question, de prendre une décision et de s'inscrire avec son courriel. Donc, c'est la première chose. Et ceux qui sont dans la centrale, c'est eux qui veulent s'impliquer plus, qui connaissent le dossier. Et donc, c'est eux qui sont responsables de tout ça, qui vont suivre la situation, les événements, qui vont faire de la recherche, qui vont trouver des personnes ressources, des références, et qui vont tenir compte des statistiques, etc. Et ce sont eux qui sont responsables de l'autre composante fondamentale de l'outil que j'ai appelé la missive. Donc, la missive, c'est un courriel qui est envoyé à tous ceux qui sont dans l'outil. C'est un courriel très court. Il prend en tout, pour l'ouvrir et le lire, un maximum de 30 secondes, peut-être même 20. Donc, c'est ça que j'ai dit, c'est le minimum qu'on a à faire, c'est d'inscrire avec son courriel et de recevoir périodiquement, là, ça peut varier, des courriels. Donc, la missive, et qui est très courte. Donc, elle contient les informations suivantes. Une courte phrase que tous ceux qui sont dans l'outil vont lire. Donc, tout le monde va lire la même phrase. Et un lien à cliquer pour renouveler l'adhésion. Renouveler, dire qu'on est toujours d'accord. Donc, on renouvelle notre décision. Donc, c'est pas seulement une fois comme un sondage, si vous voulez. C'est encore plus puissant qu'un sondage parce que ça évolue dans le temps. Et les gens peuvent renouveler leur décision. Et aussi dans la missive, dans le petit courriel, il va y avoir au bas les statistiques. Donc, ça permet de voir où on s'en va. Et donc, c'est encourageant de voir qu'il y a plus de gens et qui embarquent, etc. Donc, ça serait tout ce qu'il y aurait dans le courriel. Donc, l'information que tous vont lire est très importante. C'est ça qui va donner la puissance au groupe et qui pourra être utilisé éventuellement pour activer les choses en utilisant la force d'un groupe de citoyens qui ont tous les yeux fixés sur la même information. Donc, c'est un focus collectif, c'est comme un laser. Et il pourra servir, par exemple, pour répondre à une contre-attaque qui est présentée dans les médias. Par exemple, dans le cas, prends l'exemple du compteur électromagnétique. S'il y a un journaliste qui minimise, par exemple, les dangers des compteurs électromagnétiques, et donc les gens sont, si c'est seulement un groupe, les gens éparses, si c'est un groupe épars, mais les gens peuvent être influencés par ce qu'ils voient dans les médias. À ce moment-là, le groupe, la centrale, pourra envoyer une missive en disant ce qui est écrit dans les médias, nanana, c'est pas vrai, ou etc. Donc, par exemple. Et évidemment, il pourrait y avoir un lien qui dirigerait vers plus d'informations pour ceux qui veulent le savoir, mais ça permettrait que tous seraient sur la même longueur d'onde et on pourrait répondre, dans le fond, par exemple, à ces attaques-là qui viendraient de l'extérieur. Donc, un article qui rapporte certaines infos sur la problématique, alors que les membres de la centrale qui connaissent le dossier peuvent répondre et envoyer la réponse dans la missive. Alors, tous la voient et on désamorce l'attaque en quelque sorte. Donc, ils limitent l'information à une courte phrase, mais peuvent toujours y adjoindre un lien pour diriger vers plus de détails pour ceux qui voudraient en savoir plus. Aussi, c'est dans la missive qu'il va y avoir un lien à cliquer pour renouveler sa décision, comme j'ai dit. Ce sera comptabilisé et rendu dans les statistiques qui seront affichées à la fin de la missive, et ça va permettre d'avoir une idée juste de la force du groupe. Car signer une pétition, c'est une chose, mais ouvrir et lire un courriel, c'en est une autre, et cela a beaucoup plus de poids, et c'est encourageant de savoir qu'il y a plus de gens qui sont actifs, même si c'est une activité minimale, mais on suit. À ce moment-là, évidemment, ce laser-là, ce focus collectif-là du groupe pourrait être dirigé de façon à influencer les décideurs. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que en sachant que des fonctionnaires ou peu importe qui porte le dossier, par exemple, des compteurs électromagnétiques, mais en sachant que un groupe important de citoyens peuvent aller fouiner, regarder des choses et tous ensemble regarder dans la même direction, ça peut permettre d'utiliser ce pouvoir-là pour influencer les décisions, évidemment faire advenir la décision que nous voulons, que les citoyens veulent. Dans le cas des compteurs électromagnétiques, on aurait pu aller fouiller au niveau municipal, au niveau d'Hydro-Sherbrooke, etc., mais aussi à explorer pourquoi les conseillers ont décidé de prendre la décision qu'ils ont prise, etc. Donc, ça donne une idée de l'outil collectif de décision que j'appelle, qui pourrait être créé aussi pour d'autres questions. Par exemple, ça peut être une ligne électrique qui veulent être installée, et les citoyens sont contre. Donc, ça peut être au niveau provincial, même national, international. Donc, c'est ça l'idée de l'outil collectif. Et ça nous permettrait, évidemment, ça nous permettrait de voir que le pouvoir qu'il y a dans l'unité, parce que c'est entendu que si la population, si les citoyens sont divisés sur une question, à ce moment-là, cet outil-là ne conviendrait pas. Parce que l'idée, c'est pas d'être contre les uns avec les autres. Là, à ce moment-là, il faudrait vraiment développer d'autres méthodologies, d'autres outils pour en arriver à un terrain d'entente, pour créer l'unité, dans le fond. À ce moment-là, cet outil-là ne serait pas approprié. Donc, c'est pas pour toutes les questions. Donc, ça donne une idée un peu de qu'est-ce qu'on pourrait faire et de l'importance de l'unité. Je ne sais pas si quand les gens vont catcher ça éventuellement, plutôt que de continuer sur la voie où on s'en va en ce moment. En tout cas, advienne que pourra. C'est parce que je crois que c'est important de reconnaître que l'unité est incontournable. Parce que le contraire de l'unité, il faut comprendre que c'est pas la division. Il y aura toujours des divisions, des différends. Le contraire d'unité, c'est la non-unité. Donc, soit on est uni, soit on ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. L'unité, c'est quelque chose qui doit être créé, parce que ça ne va pas de soi. C'est un ensemble complexe, un ensemble travaillé. Donc, c'est comme le corps, il est uni. Toutes les parties, quoique très différentes, ils ont des besoins différents, ils sont très différents les unes des autres, travaillent tous ensemble. Ce ne sont pas juste des éléments différents qui se retrouvent dans le même environnement. Donc, on pourrait probablement dire la même chose de la nature et de l'univers, le cosmos, etc. Mais on ne peut certainement pas dire ça des humains. Et pourquoi? Ben, ça, c'est une grande question, mais moi, je dirais que c'est parce que nous avons le libre arbitre, puis conséquemment, on peut faire des choix individuels. et des choix qui vont pas avec l'unité. Donc, c'est un risque, mais aussi la différence, par contre, avec les êtres humains, c'est que nous pouvons aussi faire des choix qui vont la créer, et ces choix-là vont être conscients, délibérés, ce que nous pourrions pas faire si nous n'avions pas le libre arbitre, par exemple, comme les animaux ou l'ensemble de la nature, dans le fond, c'est que donc l'humanité pourra, si elle choisit de créer l'unité, elle va pouvoir faire des choses extraordinaires lorsqu'elle va réussir à la créer. Et donc, c'est quelque chose d'unique, mais qui est risqué et qui est difficile. Donc, c'est là qu'on est rendu, d'après moi. Et c'est essentiel, si on veut créer le paradis sur Terre, de comprendre ça. Et c'est à chacun à le comprendre d'abord, de s'en convaincre. Et ensuite, éventuellement, de participer à des expérimentations qui vont permettre de réussir à le faire concrètement. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous invite à me laisser des commentaires, des critiques, des questions. Vous pouvez le faire sur ma page Facebook. Vous pouvez y accéder par l'adresse web patricktetro.com. Donc, vous pouvez l'écrire de la façon que vous voulez. Il y a deux Tetro avec un E ou sans E, ça va fonctionner. Donc, ça devrait vous diriger vers ma page Facebook. Donc, si vous voulez laisser des commentaires en privé ou en public, vous êtes les bienvenus. Et ça va me faire plaisir et j'aimerais bien ça. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine, dimanche midi. Au revoir. Je n'ai pas coupé les poils sous mon nez. Il te faisait tellement rire avant l'hiver. Pardonne-moi. Maintenant je pleure quand tu pleures. Se promener toute la soirée, de bras en bras, la belle Olivia. Et elle se retourne et elle m'aperçoit. Cherchez un livre original écrit par un auteur contemporain? Visitez les éditions Dédicaces. Que ce soit un livre numérique ou un livre papier, retrouvez nos livres dans plusieurs boutiques en ligne. Les éditions Dédicaces, pour un rapprochement entre les auteurs et les lecteurs, nous saurons vous satisfaire. Plus d'informations sur le site www.dédicaces.ca. Les éditions Dédicaces, des moments d'éternité à savourer. Retrouve Alexandre Timon, notre auteur et philosophe, chaque jeudi à 20h pour son émission « Les révolutionnaires de Salon ». Ça déménage sur Radio Impact.